boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Watch the fires through your lonely eyes. Without your warping on, you won't survive. No point in trying if it's all a lie. The fire for the souls of the wicked and the dull. The feeling they are null. That was your life. Try this for size. They weren't too bothered when the last one died. On commence avec un des deux anciens membres des Libertines. Pas Paul Doherty, lui je l'aime pas, mais Cal Barat et ses Jackals. On vient d'écouter March of the Idol, on enchaîne avec le fabuleux Glory Days. You should have known better. And Jackals, ça pulse fort pour cette première tripette de pop and rock. Alors on va essayer de pas s'endormir, il est encore tôt. On sort des tranchées de Karl Barat et on fonce pour notre nouvelle tripette vers New York, la cité de Interpol. Yeah. De pop and rock avec donc Interpol. Alors Interpol, leur belle époque, c'est le début des années 2000, en fait jusqu'en 2010, date à laquelle un membre important, Carlos Dengler, les quitte. Carlos Dengler, c'est le bassiste inspiré qui a donné sa grandeur à Interpol. Tous les titres d'ailleurs qu'on écoute ce soir datent de cette époque. Allez, dernier morceau de Interpol pour ce soir, Obstacle. I'm gonna pull you in close, gonna wrap you up tight, gonna play with the brakes that you came here with tonight. I'm gonna hold your face and toast the snow that fell, 'cause friends don't waste wine when there's words to sell. Mm-hmm. transatlantique, quête départ New York, arrivée 10 jours plus tard à Bordeaux. Et à Bordeaux, c'est pas un groupe qu'on trouve, c'est un collectif, orchestre poétique d'avant-guerre, OPA. Ce soir, je vous propose trois de leurs titres. Les deux premiers ont le même texte, mais avec deux interprétations différentes. On commence avec OPA, Bordeaux fait peau neuve. Thank you. peaux neuves, Bordeaux mûr. Et voilà la grosse chenille qui la serpente. Bordeaux, on la cure, on la nettoie, on la fait propre, on l'embellit. On l'embellit, mais l'embellit de la belle endormie. J'attends encore, mais l'embellit, j'attends. Mais l'embellit de la belle endormie. J'attends encore, mais l'embellit, j'attends. Pas de là, le cours de l'intendance me fait cligner les yeux. À Saint-Michel, je suis déjà nostalgique de ce qui ne sera plus, de ce qui ne sera plus. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur, alors j'évite. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur. On la nettoie, on l'embellit. Mais l'embellit de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellit, j'attends. Mais l'embellit de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellit, j'attends. Ok. On est bien dans Popel Rock. Pépin luisant comme un pépin. croire que cela finira, qui peut croire? Les enfants colorés courront nus sur les plages à la conquête. Les enfants colorés à la conquête des châteaux éphémères. L'amour des mères, la mer, qui peut croire que cela. Si un jour vous allez à Bordeaux, grattez, fouillez, mais essayez au moins d'aller les voir. Allez, après Bordeaux, on va reprendre le bateau. Non, pas le bateau, on va aller en gare de Bordeaux plutôt, et on va prendre le TGV direction Paris. Paris, la capitale où vous rencontrerez peut-être les gars de Aston Villa. Pour eux, c'est un peu comme pour Interpol, hein. Leurs meilleures années, c'est la fin des années 90, le début des années 2000, et on va partir avec eux pour trois titres. Le premier, c'est Peu importe, qu'on enchaînera avec L'âge d'or, et on terminera avec Raison. Exister sous un ciel plus féminin, plus sensuel. Le fond de l'air est frais, mais peu importe. Sport nucléaire au minimum, homme d'appareil, je compte sur elle. Le fond de l'homme est lourd, mais peu importe. Le fond de l'air est frais, mais peu importe. Atomique, le nouveau ciel, que j'aime les fesses de la sagesse. Tu sous un ciel plus féminin, plus sensuel. Le fond de l'air est frais, mais peu importe. Selon ma version officielle, au centre du monde il n'y a qu'elle. Le fond de l'air est frais, mais peu importe. Le fond de l'homme est lourd, mais peu importe. À la demi-heure, nouveau ciel, que j'aime les fesses de la sagesse. Santé. Espèce Je rêve là, je dors dans tout l'espace, en l'espèce. Je rêve là, je dors un poste, une place. Je rêve là, je dors dans tout l'espace. Tellement jeune et belle, avec les cheveux longs, tous les délires m'appartiennent. Et quand je dis non, c'est non. C'est moi la fraîcheur future. Je construis pour demain la belle et grande aventure. Alors je monte le son, alors je monte le son et je m'isole. Je cherche quelque chose qui résonne. Alors je monte le son. c'est la fin de la troisième édition des triplettes de Pop and Rock. On va donc finir avec un groupe britannique estampillé Pop and Rock, les Dandy Warhols, avec les trois derniers morceaux pour la soirée. Le premier sera Not Your Bottle, suivi de Horse Pills. Et puis si on a le temps, le dernier morceau sera Dub Song. Et puis en attendant, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.